c'est le cas. Altesse, ADL, Digitox 974 à la prod. Altesse, c'est le cas. Gros bouchon de 16, tu veux test, gars? On prend les couilles et maintenant casse-toi. Casse-toi. On a le talent pour blesser la rime. Rêve de balle, un des talents. C'est pour les frères au ballon. Altesse, c'est le cas. Gros bouchon de 16, tu veux test, gars? On prend les couilles et maintenant casse-toi. Casse-toi. On a le talent pour blesser la rime. Rêve de balle, un des talents. C'est pour les frères au ballon. Mon histoire est loin d'être une vie de rêve. Vie ou crève, frère, sont les mots d'or. Paris Hilton, Tony M sont les modèles. Si t'as pas couille ou d'oseille, tu vaux que dalle. Aujourd'hui, la plupart des gens vivent que pour eux. Est-ce qu'on pourra changer ce monde pourri? Je regarde pas la météo pour avoir du beau temps. Nique sa mère, je fais tout pour finir en beauté. Quitte à marcher dans des terrains minés, ma parole, le vie sont plus compliquées qu'au ciné. Faut qu'on s'y mette à l'aise avant la fin de l'histoire. Faire les choses bien et vérifier qu'on nous trahisse pas. La haine, la peine, les chaînes sont à la mode. Se rendent pas compte que c'est le monde comme à l'amende. Combien ont la merde en face des yeux? Et combien de rampoints sont en mode déçu? Altesse, c'est le cas, gros bouchon de 16. Tu veux test, gars? Je m'en bats les couilles et maintenant casse-toi. Casse-toi. On a le talent pour blesser la rime. Rêve de balle, un des talents. C'est pour les frères au ballon. Altesse, c'est le cas, gros bouchon de 16. Tu veux test, gars? Je m'en bats les couilles et maintenant casse-toi. Casse-toi. On a le talent. C'est la rime, rêve de balle, un des talents. C'est pour les frères au ballon. Je reviens mortir le buzz. Nique les bâtards, leurs fauteuils et leurs sales gueules de puzzle. Je suis sur mon trône, la traque bien bizarre. Eh monsieur l'officier, je vais pisser sur votre visière. En mode grosse balle, gangster, elle piquet. Nique sa mère l'état, c'est une grosse pute de piquet. Obligé d'appliquer leurs sales règles. Roule un spark, leur système se dérègle. Tu veux pécho? Ok, prends un ticket. Les buts sur le quai, on fait la guerre avec un briquet. Get les keufs, y'a de la volaille au barbac. Black peur et bap tout, 93 plaques. Plan de secours, nique sa mère la basse cour. Et ma grosse dose, les buts se torchent, le tueur lactose. Yeah, on est tous foutus dans nos têtes. SLK, vital test, sur ma tête, on va brûler la tête. Altesse, SLK, gros bouchon de 16. Tu veux test, gars? Je m'en bats les couilles et maintenant casse-toi. Casse-toi. On a le talent. C'est la rime, rêve de balle, un des talents. C'est pour les frères au ballon. Altesse, c'est le cas, gros bouchon de 16. Tu veux test, gars? Je m'en bats les couilles et maintenant casse-toi. Casse-toi. On a le talent pour blesser la rime, rêve de balle, un des talents. C'est pour les frères au ballon. Aïe, DJ Doc 974 à la prod. Ça fait mal. Aïe, la famille sec, SLK. Largement épiné. Altesse, comme ça. Yeah, DJ Tox 974.